Tu vois, c'est pour le mettre une limite. Et Fakat, c'est connu, c'est tout, ça veut dire, c'est tout. Mondrasia cool. La takzib ya ari. Inna karibta l'yom el sept, wa yom el soulasai, wa yom el arbi'a. Donc il dit ne mens pas, oh mon frère. Kaziba yakzibu. Kaziba yakzibu, c'est mentir. Tu as certes été absent samedi et mardi et jeudi. Non, et mercredi, après. Arbi'a, c'est le mercredi. Ana asifun ya ustad. Lan ariba fil mustaqbali, inshallah. Je suis désolé au professeur, je ne m'absenterai plus dans le futur, Inch'Allah. Non, laissez cool. Koum ya Adam, atanem ou fil fosl, dis lève-toi, Adam, dors-tu en classe, nama ya namou, c'est dormir. Ana asifun ya ustad, ghalabani naoum illi annani ma nimtu l'bariha. Il dit, je suis désolé au professeur, le sommeil m'a gagné, car je n'ai pas dormi hier soir. Dans les slides, cool. Lima lam tanem, pourquoi n'as-tu pas dormi? Il dit, j'avais une grosse migraine, et donc je n'ai pas dormi à cause de cela. Kanabi, c'est quand tu as été touché par une maladie, par exemple. Tu dis pas qu'un ali ou quoi, tu dis qu'un habit, vous voyez, soudar ou je sais pas, ishal qui veut dire une diarrhée ou une sec qui veut dire une constipation, ainsi de suite. Les maladies sont pas comme ça. Yarinu jarasu fayakumun daris. Donc la cloche retentit et le professeur se lève. Saïd, tu vas dire. Ya ustad, ana uridu an azura kalyom ba'da salat al-asr. Tu dis au professeur, je voudrais te visiter aujourd'hui après salat al-asr. C'est cool. Zurni Raden, Faini Mashroulun et Lyom. Donc il dit visite-moi demain, car je suis certes occupé aujourd'hui. Mashroul, c'est occupé. Ma fouma là ? Non. Tamadou, il faut l'agir dans l'asile al-Atiya. Bon, Adil al-Asile. Comme on dit, Inch'Allah sera pour Raden. Taïeb, ça n'est pas cool. Hazihi, Amsilatoun il fir. El mortel, el aïn. Et ce fir-là, ce verbe-là, il s'appelle quoi? El adjouaf. À la base, une chose, adjouaf, c'est quelque chose de creux. Vous voyez, adjouaf, ça veut dire creux. Et le mortel, el aïn, c'est-à-dire celui dont le aïn, c'est un haf illa, c'est-à-dire soit un lif, soit un waw, soit un aya. Donc là, il donne des exemples. Kale, yakoulou. Kale, c'est-à-dire dire, yakoulou, c'est le mot d'arrière, yakoulou. Donc regarde bien kale. Le corps c'est le fa, le alif c'est le aïn, et le lem c'est le lem. Donc regarde le aïn c'est quoi comme lettre là? Un alif. Vous voyez? Et pareil, yakoulou. En vrai, si on dit kala, c'est quoi le wazn de kala? Le vrai wazn de kala. Un wazn. Il est sur quelle mesure? Regarde bien et réfléchis bien. Kala. Ala ay wazn. À la waz, faire là. Parce que le alif est sakin, il n'y a pas de harakat. Tu vois ce que je veux dire? Le alif, il n'a pas de harakat. C'est pas faire là. Vous voyez, le alif, il y a une soukoun, donc je dis faire là. À la waz, faire là. Et yakoulou, à la ay waz. Regardez-le. C'est yafourlou. Vous voyez, le ya c'est le ya, le kof c'est le fa, donc fou, le waou c'est le aïn, mais les sakin c'est une soukoun, et le lem c'est le lem, donc tu dis quoi? Yafourlo. Normalement ce serait yafourlo. Normalement on dirait comme ça, yafourlo, tu vois. Mais là le adjouaf il est spécial. Donc en vrai là son wazn, sa mesure c'est yafourlo. Vous voyez, yafourlo. Kana yakounu. Kana marlou, ça veut dire être. Zara yazuru, visiter. Qama yakoumou, lever, se lever. Zaqa yazoukou, c'est goûter. Tafa yatoufou, c'est tourner. Sama yasoumou, jeûner. Dara yadourou, tourner. Taba yatoubou, se repentir. Bala yaboulou, ça c'est uriner. Donc ça c'est quoi le adjouaf? Dont le aïn ou moudalir, ça devient waouh. Vous voyez, ça devient waouh. Au mardi, c'est un alif.

Donc, tu prends Kama et tu fais comme on a fait avec Kala. Tu prends Hamid, tu prends Tuleb, ainsi de suite, et à la place de Kala, tu mets Kama. Tfadal. Hamid Kama. Nam. Tulab Kamu. Nam. Amina Kamat. Nam. Et Talibatu. Kumna. Kumna. Nam. Hassant. Anta Kulta. Anta Kumta. Kumta. Antum Kumtum. Nam. Anti Kumti. أنتن كنتن أنا كنت نحن كنا طيب في له كان كان aussi on va laisser Zahra c'est pas la peine on va prendre كان حامد كان نعم الطلاب كانوا نعم آمنة كانت نعم الطالبات ما في شيء على وزن فولا فلنا بتو لوز فلنا كنا أيوة نعم كنا أنت قول أنت لا ها شنتي لا أنت يعني أنت أنت كنت كنت أنتم كنتم نعم أنت كنتي نعم كنتن كنتن نعم أنا كنت نحن كنا نعم donc tu vois quoi regarde on va reprendre les collets. Hamid Kale, Kale, elle a aï wazn, quelle mesure? Fa'la. Atulab Kalu, elle a wazn? Fa'lu. Voyez? Aminatu Kalet, elle a wazn? Fa'lat. Atalibat Kulna, elle a wazn? Elle a aï wazn? Atalibat Kulna, c'est la aï wazn. C'est quoi le wazn de Kulna? Fa'la. Fulna. طيب فلنا على وزن فلنا أنت قلت على وزن فلتا أنتم قلتم على وزن فلتم أنت قلتي على وزن فلتي أنتن كنتن قلتن على وزن فلتن وأنا قلت على وزن فلت ونحن قلنا على وزن فلنا donc là dans tous ces verbes là à part avec هو avec هم et avec هي le عين est tombé. طيب خامسا إكرم يالي لي سكي سوي تفضل إيه ترجم إن شاء الله الجمل زرنا المدرسة الجديدة البارحة نعم يعني خوصة نزا فيزيتي إياخ لا سي نزا فيزيتي لا نزا فيزيتي النوبو خوفيسر إياخ هذا هو نعم ذقت هذا الطعام يا أخي نعم ذقته ووجدته لذيذا جدا Non. As-tu goûté cette nourriture à mon frère? Non. Oui, je l'ai goûté, je l'ai trouvé très bon. Non, très bonne. Voilà. Donc, Zaka, Yazoku, c'est comme Kala Yakulu. Et Zukta, c'est comme on a dit Ekulta. Et Zukta, c'est as-tu goûté. Et Zuktuhu, c'est comme tu disais Kultuhu. Je l'ai dit, et Zuktuhu, je l'ai goûté. Non. Thalithan. Zahatu ila Makkata wa tuftu bil Kaaba. Non. Je suis parti à Mecca et j'ai tourné autour de la Kaaba. Non. Sunna yawm al-ithnayn. Oui, nous avons jeûné deux jours. Hein, là. Ithnayn, non, non. Le lundi. Non, c'est ça. Mada kulta li Hamidin ya Ahmed. Ma kultu lahu shay'a. Oui. Qu'as-tu dit? Ahamid ya Ahmed, je lui ai rien dit du tout. Non. Mata kumtu min al-yawm ya abana'i, qumna qabla adhan al-fajr. Yani, combien avez-vous. Quand est-ce que vous êtes levé de votre sommeil, yani du sommeil, pour mes enfants? Mes fils. Oui. Nous sommes levés avant l'appel, avant l'aven du Fajr. Non. Bala teflo, fi thawbi. L'enfant a uriné sur mon habit. Non. Tubtu ila Allah. Je me suis repenti à Allah Azzajal. Kuntu muthaban. Muthaban il yom. Falam adhab ila madrasa. Yani j'étais malade hier. Fatigué. Matab, mutab, c'est fatigué. Hier, je suis reparti. C'est pas hier. Aujourd'hui, je suis pas parti à la madrasa. زارني صديقي أمس وزرته اليوم. نعم. يعني mon ami m'a visité hier et je l'ai visité aujourd'hui. طيب. Donc là on a vu quoi? Le mardi. طيب. Je fais ajouter avec Kale. On a vu au mardi, mais donc maintenant on va voir le mudalia. Comment on fait mudalia? Il dit ta'amel ma yali. Hamid yakoulou. Hamid dit. Donc là, Kale c'est devenu quoi au mudalia? Yakoulou. Le alif c'est devenu un waou. Voyez? At-tulab, Hamid yakoulou ala ay wazn yafoulou. Voyez? Hamid yafoulou. At-tulabu yakouloun. Voyez? Les étudiants disent. À la wazn, yafouloun. Aminatou takoulou. Aminatou dit. À la wazn, tafoulou. At-talibatou yakulna. Donc là, regarde, c'est comme on m'a dit, les trois premiers avec Hua, avec Hum et avec Ya, le Ain y reste. Parce qu'il n'y a pas de Tikol Sakinay. Le Ain y reste, c'est le Waou. Maintenant, avec les autres, il va tomber. Tu dis, et Talibat, Yakulna. Vous voyez, les étudiants me disent, et Yakulna la Waz, Yafulna. À la Waz, Yafulna. Anta, Takulu. Là, il revient. Taïeb, anta takoulou, toi tu dis, le waou il est revenu. Taïeb, parce que voilà, là, il n'y a pas d'eltiko sakinein, il n'y a pas de rencontre entre deux harf sakin. Antum takouloun, vous dites. Là, pareil, le waou, yani le ayn, qui est le waou dans le verbe, il est toujours là. Parce qu'il n'y a pas d'eltiko sakinein, donc il reste. Anti takoulina, toi tu dis, à un enfant d'une femme. Antunna takoulna. Donc là, le Aïn, il est retombé. Le Waou, il est retombé. Pourquoi? Parce qu'on a le Lem qui est une soukoun. Ana akoul. Je dis. Le Waou, il est revenu. Le Aïn, il est revenu. Nahnou nakoul. Pareil, il est revenu. Il ne tombe pas là. Donc le Moudali, il a un wazn. Ana akoul nasalen. Il a un wazn. Afoul. Nahnou nakoul. Nafoul. Ainsi de suite. Yakul asnid yakoum wa yatouf lil damayir comme fil tamarin el sabia. Quand tu fais pareil là, comme on va venir, à la place de kala tu mets qama. Et après tu prends tof. Hamid qama. Hamid yakoum. Naam. الطلاب يقومون نعم آمنة تقوم آمنة تقوم نعم الطالبات تقومنا يا يا سبتا يا يقومنا نعم يقومنا أنت تقوم أنتم تقوم أنتم تقولوا تقومون أنت تقومين أنتن تقومن أنا أقوم نحن نقوم نعم من أجل بايك طوفة حامد يطوف الطلاب يطوفون آمنة تطوف الطالبات تطوفن أنت تطوف يطوفن نعم أنت تطوف أنتم تطوفون أنت تطوفين أنتن تطوفن أنا أطوف نحن نطوف طيب أحسنت ثامنا إكرام يلي دونك لدينا إكزومبل avec le verbe أجوف ومضارع تفضل تقرأ وترجم c'est toujours avec celui dont le عين c'est un واو مضارع أنا أزورك وأنت لا تزورني يعني moi je te visiterai et toi tu ne me visiteras pas. Là c'est plutôt moi je te visite et toi tu ne me visites pas. Yatouf al-Hujjaj bil Kaaba. Les pèlerins tournent autour de la Kaaba. Naam. Mada takoulina ya ummi.

لم يعد أخي من الرياض. Mon frère n'est pas venu de Riyad. Atufta bil Ka'bati, ya akhi, as-tu fait les tours rituels autour de la Kaaba, ou mon frère? Lam atuf bil Ka'ba. Je n'ai pas tourné autour de la Kaaba. Ashiran. Akunta maridan fil usbu' al mardi, étais-tu malade la semaine dernière? Lam akun maridan. Lam akun maridan fil usbu' al mardi. Non. Je n'étais pas malade la semaine dernière. Hadi Asha, Emmat al kalb, est-ce que le chien est mort? Lam yamut hu. Lam yamut al kalb. Pourquoi on a mis une kasra? Pareil pour Tikwa Sakin entre le T et le Alifolem qui vient du kalb. Lam yamut al kalb, comme ça on dira. Taïeb. Maintenant il va t'apprendre à quoi? Dernière partie, à faire le Am, l'impératif de ces verbes-là. Toujours avec le fil adjouf, voyez, celui dont le rime c'est un waouh. Sani Achar il dit t'amène Mayali. Donc là c'est le fil am. Il dit t'akoulou. Ça c'est tu dis. Quand on fait le am, on enlève le t. Ça c'est marlouf. Voyez, on enlève le t. Donc ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Cool. Le problème c'est que là on a le waouh qui se rencontre avec le lem. Le waou sakin et l'em sakin. Donc on va dire quoi? Kul. Le haferila il tombe. Comme dans avec le jazm. Le waou il tombe. Pour quelle cause? Il tika sakinei. La rencontre entre deux lettres sakin. Donc tu dis quoi? Kala yakoulou. Le am. Pour toi tu dis kul. Alawaz ful. Tu vois? Alawaz ful. Donc il dit. Sar el am min la fal atia. Donc il dit quoi? Constitue. L'impératif des verbes suivants. Tasoumu, comment tu vas dire? Le am. Lam tasoum. La am. Ah, tu parles du am. Non. Soum. Non, parfait. Takoumu. Koum. Koum. Takounu. Koum. Koum. Tazuru. Zour. Non. Tatoufu. Touf. Taoudu. Oud. Tatoubu. Toub. Tazouku. Zour. Non. Donc ça, c'est avec anta. Il n'a pas mis le homme avec les autres deux mariages. Ikram Mayali, lis les phrases suivantes. Il donne des exemples avec du. Zorni Radania Mahmoud. Allez, visite-moi demain au Mahmoud. Non. Oui, Bada Sahara. Allez, reviens après une heure. Koumin Huna. Wajilis Hunaka. Allez, lève-toi ici. Et assis-toi là-bas. Soum Radan. Jeune demain. Pour. Donc, goûte cette nourriture, mon frère. Tobil Allahi, ayyuh al muslim. Yani, repends-toi à Allah, oh muslim. Au toi le muslim. Hein? Au toi le muslim. Ayyuh, ça serait plutôt par au toi. Wa la yafhamu al-arabiyya. Qul lahu hadha kalam bil lughati. Yani, lui, il ne comprend pas l'arabe. Dis-lui cette parole, par sa langue. Non, avec sa langue. Ou en sa langue. En sa langue. Tof bil Kaaba, tourne autour de la Kaaba. Là, bil Kaaba, ouais, ça s'agirait par autour. Le bilat de Kaaba, il s'agirait par autour. Il sort de son sens d'origine. Parce qu'on pourrait croire, tof bil Kaaba, on pourrait croire que c'est quoi? Tourne par la Kaaba, ou avec la Kaaba. Je sais pas comment ils disent en français, il y a un mot là. Circumambulation. Ils sont partis trop loin. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب. يعني Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager صلى الله عليه وسلم dit Allah. C'est Allah qui appartient. C'est Allah qui appartient le. Le vent ou le couchant. Le vent et le couchant. Là. Allez. Dernière partie, maintenant c'est lorsqu'on rentre la nahia, celle qui est le half jazm qui interdit de faire une chose. Et c'est comme l'em, c'est la même que l'em. On va voir le tikwa sakinein, vous voyez, entre le aïn et le l'em, donc qu'est-ce qu'on fait? Le aïn il tombe, il n'y a rien de nouveau. Donc il dit, t'amènes Mayali.